Industry Ready Production, PSBeats.com. Lève-toi bien vers moi et dis-moi que tu m'aimes. Et si tu veux qu'on continue, pas de problème. On fera le tour du monde ainsi que des enfants. Je serai le meilleur papa ainsi que ton meilleur ami. J'ai envie de partir loin, plus loin que ma vision. Paysage inédit, climat tropical. J'ai envie de partir loin pour plus de sensations. Soleil d'après-midi, ambiance d'amour amical. Les voitures sur la plage, le chant de la mer. L'odeur de ces vagues qui s'embrassent avec la terre. Le soleil et la chaleur sous un air frais. Allongé sur le sable ou sur l'air fraîche. Verdure en harmonie avec le ciel. Peinture l'Arlemanie artificielle. Va la tarde le lundi, libre comme une aile. Part de ma vie, bonheur essentiel. Le temps d'un automne, une mélodie. Le temps d'un automne, une courte vie. Le temps d'un bel homme pour charmante fille. Être tant aimé, le renvoie si possible. À toutes mes rires, à toutes mes âges. Mes larmes et mes rires, mes armes et mes tirs. Le message va partir au ciel. Comme toi, ma jolie, ma jolie, yeah. Lève-toi, viens vers moi et dis-moi que tu m'aimes. Si tu veux qu'on continue, pas de problème. On fera le tour du monde ainsi que des enfants. Je serai le meilleur papa ainsi que ton meilleur amour. Dans la maison de l'amour, j'ai mis la clé sous la porte. Besoin de faire un tour ailleurs, notre flamme était morte. Besoin de pleurer un coup, d'ailleurs j'en pleure encore. Si je suis parti, c'est parce que tu es parti, ma chose. Dans la maison de l'amour, j'ai mis la clé sous la porte. Dans cette vie, cette prison, j'attendais que tu t'en sortes. J'ai espéré tout le temps, de façon peu importe. Que notre âme se transporte, pourvu qu'elle existe encore, ma chose. Dans la maison de l'amour, j'ai mis la clé sous la porte. Le bébé de notre amour a dû faire son propre avort. Merci à mes amis, j'avais besoin qu'on me réconforte. Ce jour, le ciel t'emporte, tu es parti, ma chose. Dans la maison de l'amour, j'ai mis la clé sous la porte. J'ai eu du mal, pas d'au revoir, donc miséricorde. Chaque jour, je regarde le ciel, te dis au revoir, je me l'accorde. Espoir, désespoir, entends-moi, ma chose. À toutes mes rires, à toutes mes âges. Mes larmes et mes rires, mes armes et mes tirs. Le message va partir au ciel. Comme toi, ma jolie, ma jolie, yeah. Lève-toi, viens vers moi et dis-moi que tu m'aimes. Et si tu veux qu'on continue, pas de problème. On fera le tour du monde ainsi que des enfants. Je serai le meilleur papa ainsi que ton meilleur amour. Lève-toi, viens vers moi et dis-moi que tu m'aimes. Et si tu veux qu'on continue, pas de problème. On fera le tour du monde ainsi que des enfants. Je serai le meilleur papa ainsi que ton meilleur amour. Lève-toi, viens vers moi et dis-moi que tu m'aimes. Et si tu veux qu'on continue, pas de problème. On fera le tour du monde ainsi que des enfants. Je serai le meilleur papa ainsi que ton meilleur amour.